Chapitre 2. Prodigieuse aventure. Autant le docteur Patrice avait eu de chagrin depuis 2 semaines, autant il eut de joie en apprenant que son ami était vivant. Quelle délivrance de ne plus avoir le douloureux mandat d'apporter la lugubre nouvelle à Madame Caudal, de ne plus redouter le désespoir de cette mère, de cette jeune fille si affreusement frappée. Et pour lui-même, quel bonheur de retrouver son compagnon préféré, de se dire que René vivrait encore de longues années pour tourmenter ceux qu'il aimait, leur infliger 1000 morts par ses escapades et se faire chérir malgré tout. Mais vit-on jamais chance pareille? Tomber à la mer par un ouragan furieux et par quelques 1000 mètres de fond, puis se retrouver bien tranquillement en rade à l'Orient et y précéder de 2 jours les camarades. Il n'y avait que René Caudal pour des aventures pareilles. Ah, le brigand! Comme on allait l'embrasser de bon cœur! Le docteur Patrice avait hâte de lui entendre conter par quel concours inouï de circonstances il avait pu se tirer d'affaire. À peine débarqué, il courut à l'hôpital maritime. 10 minutes plus tard, il entrait dans la chambre où l'aspirante était couchée. Les premières effusions passées, il examina attentivement le jeune homme, le palpant, l'auscultant, l'interrogeant, pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. Son examen achevé, le docteur demeura assez surpris, car René paraissait physiquement en bon état, et rien ne semblait exiger qu'il gardât le lit comme après une longue maladie. Et pourtant, le docteur crut constater un changement singulier dans l'état mental du jeune marin. Triste, préoccupé, le visage pâle, le regard distrait, on eût dit qu'il faisait un effort pénible pour fixer son attention et ne répondait qu'à regret aux questions empressées de son ami. À vrai dire, il en paraissait importuné. « Enfin, qu'as-tu ? » demanda Patrice avec sollicitude. « Tu ne me sembles pas, en somme, avoir souffert de ton immersion, et je dois te dire que je ne m'explique même pas trop pourquoi tu restes couché là comme un paquet. Allons, un petit effort, viens faire un tour dehors, cela te remettra sur pied en un clin d'œil. » Oh, une promenade dans l'Orient fit René d'un ton de profond dédain. « L'Orient n'est pas si méprisable !» s'écria le docteur. « Dans tous les cas, cela vaudra mieux que de rester là à broyer du noir, car tu broies du noir, c'est évident. Voyons, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Pour toute réponse, René haussa les épaules d'un air découragé. « Tu te sens malade ?»« Malade ? » ?»« Non, pas précisément. » »« Alors, qu'éprouves-tu ? » ?»« De la fatigue musculaire ? » ?»« De la courbature ? » Les membres brisés ? Combien de temps as-tu passé dans l'eau ? Continua le docteur. De nouveau, René eut un haussement d'épaules. Est-ce que je sais ? Qu'importe d'ailleurs ? Murmura-t-il avec impatience. Et, se retournant vers le mur, il cacha son visage sous son bras, comme pour indiquer que la conversation lui était à charge. Le docteur le regardait avec une surprise qui se changeait rapidement en inquiétude. Qu'avait-il, lui si franc, si gai, d'une nature aussi ouverte, transparente pour mieux dire? Sa tête avait-elle porté sur quelque récif, dans son plongeon au fond de l'abîme? Fallait-il attribuer ce mutisme, cette maussaderie inusitée, à une commotion du cerveau? Comment, tu ne sais pas? S'écria le docteur, décidé à le faire parler quand même. Tu dois bien te rappeler pourtant ce qui est arrivé lorsque tu es remonté à la surface. Tu n'as pas passé bien longtemps sous l'eau, probablement. Combien de minutes au jugé ? » Un profond soupir fut la seule réponse du naufragé. « Peut-être avais-tu perdu connaissance ?» René se tut. « On t'a retrouvé amarré sur un tonneau vide, si je suis bien renseigné, » continua Patrice. « S'est-il écoulé longtemps avant que tu le rencontres ? Et la corde, d'où l'avais-tu tirée ? » De nouveau ce haussement d'épaules, ce geste impatient de la tête, comme pour chasser un bruit important. On eût dit que la voix de son ami agissait sur les nerfs du malade à la façon d'une scie grinçant sur du marbre. Pendant plusieurs minutes, le docteur le pressa de questions sans parvenir à rien tirer de lui. « Mon cher ami, » fit-il enfin, énervé à son tour par cette attitude. Ton bain froid me semble avoir agi de la façon la plus fâcheuse sur ton humeur. Tu n'es pas malade, c'est possible, mais tu es fort maussade. Si je te gêne, il faut le dire. Je m'en vais, c'est très simple. » Il se dirigeait vers la porte. Alors René parut faire un effort pour sortir de son accablement. « Patrice, Étienne !» cria-t-il. « Ne te fâche pas, reviens. Tu sais bien que je suis aise de te voir. Tu n'as pas besoin que je me jette à ton cou pour te le prouver, je pense. Dame, entre se jeter à mon cou et me faire un pareil accueil, tu l'avoueras, il y a une légère différence. » René soupira de rechef, en secouant la tête d'une façon lugubre. « Allons, le voilà qui recommence !» s'écria le docteur. « À qui diable en as-tu, avec tes soupirs et tes hochements de tête? On dirait d'un homme gros de quelque terrible secret. Aurais-tu découvert une conspiration parmi les monstres de l'abîme? Ou bien tu as entendu chanter les sirènes au fond de l'eau et tu n'as plus goût qu'à leur musique ?» À la grande surprise du docteur, une vive rougeur colora tout à coup le visage pâle de René, et un éclair jaillit de ses yeux, tandis qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres. Les deux amis restèrent un moment silencieux, se regardant bien en face. « Voyons, explique-toi, je t'en prie, » dit enfin le docteur, croisant ses bras sur sa poitrine. Déjà René avait repris sa pose accablée. « À quoi bon ? » fit-il d'un ton de lassitude. « Tu ne me croirais pas. »« Pourquoi ?» Parce que, si je parlais, ce serait pour te raconter des choses si invraisemblables, si folles, tu ne me croirais pas, et tu aurais raison sans doute s'il n'y avait pas une preuve irréfutable, une preuve matérielle. Une preuve de quoi? De ce qui m'est arrivé. Où? Quand? Comment? Tu ferais damner un saint avec tes réticences. J'ai bonne envie de t'administrer une douche. René demeura un instant silencieux, puis il parut prendre une résolution. « Tiens, tâte-moi le pouls, » dit-il. « Ai-je de la fièvre ?»« Pas une ombre de fièvre, la peau fraîche, le pouls calme comme le mien. Regarde-moi bien. Ai-je l'œil égaré, le front brûlant ? Est-ce que je ressemble à un homme en démence, sous l'influence du délire ? Pas le moins du monde. Tu ressembles à un brave garçon de mes amis, en proie à un accès d'humeur inaccoutumé, mais en possession de toutes ses facultés. Alors, quoi que je te raconte, tu le croiras. Si tu m'affirmes que tu parles sérieusement, je te croirai sans nul doute. Je te donne ma parole d'honneur que ce que je vais te dire est la stricte vérité. Et cependant, j'hésite. Mais va donc, je ne t'ai jamais connu si soupçonneux. C'est que tu ne m'as jamais connu dans des circonstances comme celles où je me trouve. Étienne, tu es mon ami le plus cher, presque mon frère aîné. Je ne voudrais pas te tromper, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans quel but? Ce que je vais te dire est vrai. C'est incompréhensible, mais c'est vrai. Je pourrais garder pour moi le secret de cette étrange aventure, et j'avais résolu de n'en parler à personne, certain de n'être pas cru. Mais tu es là, tu me questionnes. Et j'ai tellement l'habitude de te confier tout ce qui m'arrive que, ma foi, je me risque. Qui sait, peut-être à nous deux arriverons-nous à quelque théorie plausible, à quelque conclusion pratique. Vivement intrigué par ce préambule, non moins que par l'expression sérieuse et émue du visage de l'aspirant, le docteur prit un siège à son chevet et se prépara à l'écouter. René, appuyé sur son coude, le regard rêveur, et comme fixé sur une image visible pour lui seul, commença son récit en ces termes. « Tu n'as pas oublié dans quelles circonstances je fus précipité à la mer ce lundi 19 octobre. Nous étions en plein cyclone, courant au nord-nord-est, sur des lames furieuses. Vous savez tous sans doute à bord comment un coup de mer m'a enlevé avec un canon. Je ne doute pas qu'on m'ait cherché, qu'on ait stoppé pour m'attendre. Je sais comment les choses se passent en pareil cas. » Et, à ce moment, ma première idée a été que je serais infailliblement secouru. Le docteur fit signe de la tête que tout avait eu lieu selon les prévisions de René. Malheureusement, ou plutôt heureusement, car si j'avais été bêtement repêché tout de suite, j'aurais perdu un spectacle inouï. En tombant, un instinct irrésistible m'avait poussé à me cramponner des deux bras et des deux jambes à la culasse de mon canon. La masse d'acier s'est engloutie droit dans l'eau et m'a entraîné par son poids. Au moment même où, sentant la stupidité de mon action machinale, j'ai voulu relâcher mon étreinte pour remonter à la surface, j'ai perdu connaissance. Jusqu'ici, rien de singulier, n'est-ce pas ? Je tombe, je pense qu'on va me repêcher, je m'accroche instinctivement au canon qui fond l'eau avec la rapidité d'une flèche. Je comprends qu'il faut me séparer de cette lourde masse pour remonter. J'ouvre les bras, je m'évanouis. Ma dernière pensée lucide est que je vais surnager et flotter comme un poisson mort. Tout s'enchaîne. Je vois parfaitement les choses comme elles se sont passées. Je revis la sensation du plongeon. Je sens le froid de l'acier entre mes bras. J'éprouve de nouveau la perte d'haleine que me cause la chute rapide à travers l'abîme. Puis, je perds une seconde fois connaissance. Combien de temps suis-je resté ainsi? Qui me le dira jamais? Où étais-je? Où a-t-elle eu lieu cette scène inoubliable? L'aspirant se tut un instant, l'œil vague, le front de plus en plus pâle. Quand je repris mes sens, dit-il après un silence, j'étais allongé sur une couche moelleuse. Tout d'abord, je n'ai pu ouvrir les yeux. Le sentiment me revenait, mais par degrés seulement. J'entendais, mais sans comprendre ce qui se passait autour de moi. Des voix s'entretenaient à mes côtés dans un idiome inconnu. D'abord, je me suis laissé aller à une langueur vague, une sorte de rêverie. Puis les voix se sont tues. Brusquement, le souvenir m'est revenu. J'ai pensé, je suis tombé à l'eau, j'ai eu un commencement d'asphyxie, on m'a repêché. J'ai ouvert les yeux avec peine, mes paupières étaient lourdes comme du plomb. M'attendant à me trouver à l'infirmerie, toi penché sur moi d'un côté, brosses et flanelles à la main, mon brave Kermadec de l'autre, occupé à frictionner son officier. Je me suis demandé, je m'en souviens, lequel de mes deux camarades avait pris le quart à ma place. Au lieu de l'infirmerie, au lieu de vos figures, voici ce que j'ai vu. J'étais couché au centre d'une grotte spacieuse, dont les parois semblaient formées de corail rose, d'une douceur de coloris incomparable. Une lumière argentée tombait du haut de cette grotte, éclairant un lit d'ivoire recouvert d'un tissu pourpre, doux au toucher comme du velours, épais et moelleux. Sous ma tête se trouvaient empilés des coussins d'étoffes précieuses, curieusement brodés. Le sol de la grotte était couvert du sable le plus fin. Çà et là s'étalaient de magnifiques tapis. Des sièges d'ivoire de forme antique étaient disposés dans la grotte. Un métier, d'ivoire uni, portait un ouvrage de broderie commencé. Une lyre d'écailles blondes reposait sur une pile de coussins froissés, comme si on l'y eût jeté à la hâte. Dans une corbeille de joncs, je vis des laines aux couleurs passées, un rouleau de papyrus entr'ouvert. Je restais ébahi, regardant autour de moi, me demandant dans quel monde j'avais pénétré, lorsqu'une voix douce, aux sonorités cristallines, poussa tout à coup une exclamation. Je tournai vivement la tête. Comment te dépeindre ce que je vis? Une jeune fille et un vieillard se tenaient debout à côté de ma couche et paraissaient venir d'une grotte intérieure qui s'ouvrait à la tête du lit. Le vieillard, de taille élevée, presque gigantesque, était superbe de majesté. Il avait autour du front une bandelette d'or. Sa longue barbe couvrait sa poitrine de flocons neigeux. Drapé dans un vaste manteau de laine blanche, rehaussé d'une bordure brodée en couleur, il avait l'air d'une statue antique animée. Quant à la jeune fille, jamais je n'ai rien vu d'aussi beau. Elle me parut en quelque sorte translucide et comme faite de lumière pareille à celle qui tombait du haut de la grotte. Grande, élancée, svelte ainsi qu'un roseau, elle était vêtue d'une molle tunique chatoyante, d'un vert pâle comme certaines vagues au soleil levant. Ses cheveux blonds, entremêlés de cordons de perles, roulaient en masses soyeuses jusqu'à ses pieds. Son front pur était couronné d'une épaisse guirlande d'algues marines, et, dans ses yeux clairs, je crus voir l'esprit de l'océan même. Elle me regardait, puis, me désignant de sa main effilée, elle prononça une courte phrase. Le vieillard répondit. Au milieu de mon trouble, je fis effort pour comprendre, mais je n'entendis rien à leur discours. si mes souvenirs classiques, assez nébuleux, je dois le dire, ne me trompent beaucoup, la langue dans laquelle il s'entretenait ressemblait au grec. Cependant, le vieillard s'approcha de moi, posa sa main sur mon front, sur ma tête, me tâta le pouls comme tu aurais pu le faire toi-même, mon cher Étienne. La jeune fille, penchée sur son épaule, montrait son ravissant visage d'un air à demi curieux, à demi moqueur. Et je me dis tout à coup que mon uniforme moderne, mes galons, mes chaussures de cuir, devaient faire un piètre effet sur cette couche royale. Tu ne peux imaginer combien je me parus à moi-même étriqué et mesquin au milieu de ce luxe, de cette pompe féerique, archaïque, fantastique à la fois. Cependant mes hôtes continuaient à s'entretenir auprès de ma couche. À la direction de leurs regards, à leurs attitudes, je voyais qu'ils parlaient de moi. Le vieillard prenait un air de plus en plus grave. Plusieurs fois il fit un geste de la main vers le haut de la grotte. Il me sembla que la jeune fille demandait quelque chose, gaiement d'abord, comme en se jouant, puis en se fâchant presque. Son front charmant s'assombrit. Elle fronça le sourcil, et ses yeux limpides jetèrent des éclairs. Le vieillard, sans s'inquiéter de cette colère, faisait non de la tête, d'un ton de plus en plus sévère. Enfin, repoussant doucement, mais avec fermeté, la jeune fille qui s'attachait à lui et semblait vouloir le retenir, il marcha vers un coffre d'ivoire, y prit une coupe d'or et se mit à préparer un breuvage. La jeune fille était restée auprès de moi. Elle regarda un instant le vieillard, les sourcils abaissés sur les yeux, se mordant la lèvre d'un air de colère qui ne parvenait pas à l'enlaidir. Et tout à coup, avec un mouvement de tête plein d'une mutinerie charmante, elle sourit, s'approcha de moi et me passa rapidement au doigt une bague. En se relevant, elle fit un geste qui accourt dans tous les pays, paraît-il. Elle mit un doigt sur ses lèvres souriantes, puis, courant au coussin empilé près du métier, elle s'y posa légère comme une hirondelle et, prenant la lyre d'écaille entre ses bras de neige, elle commença un chant inoubliable. Oh, cette voix de cristal, cette musique étrange, irréelle, cette mélodie bizarre et pourtant délicieuse. Tu as parlé du chant des sirènes tout à l'heure, mon cher Étienne. Quelle sirène chanta jamais comme la mienne? En l'écoutant, en la regardant, je me sentais vivre dans un monde inconnu. Une joie singulière associée à une mélancolie sans nom me pénétrait. J'aurais voulu toujours l'entendre et mourir pour ne l'écouter plus. Des larmes mouillaient mes yeux malgré moi. J'étais transportée et pourtant je souffrais. Elle me regardait en égrenant ses notes exquises à travers l'étrange atmosphère de la grotte. Il me semblait que les rayons de ses yeux portaient jusqu'à moi la mélodie fantastique. En face d'elle, une des parois paraissait être de glace. Je croyais distinguer une lueur verte comme celle des eaux de la mer. J'entrevoyais de grands corps allongés qui venaient frôler ce mur transparent, attirés, retenus comme moi par le chant magique. Ne pouvant plus supporter mon inaction, je me soulevai sur ma couche, quand le vieillard, revenu sans bruit auprès de moi, posa lourdement sa main sur mon épaule. En même temps, il m'offrait la coupe d'or ciselée, pleine d'un breuvage à l'odeur aromatique. J'allais refuser de boire, mais sur un mot du vieil homme, la jeune fille se leva. Elle s'approcha légère comme une ombre et, le sourire aux lèvres, elle m'offrit la coupe. Je la vidai d'un trait. Le breuvage avait un goût singulier, assez agréable. Dès que je l'eus avalé, je retombai sur mes coussins comme paralysé. La jeune fille s'était remise à chanter. Autour de moi, tout tournait. La grotte, ses habitants, les meubles, les grands poissons étranges qui frôlaient la muraille transparente. Je crus voir se pencher sur ma couche des figures amies, la tienne, celle de ma mère, celle d'Hélène. Je fermai les yeux pour échapper à l'écœurante sensation de vertige. La voix de cristal sembla s'éteindre dans le lointain. Une fois de plus, je perdis connaissance. Quand je revins à moi, le soleil du matin étincelait sur les vagues. J'étais seul, point imperceptible au milieu de l'immensité azurée. Solidement amarré sur un tonneau vide, je flottais à l'aventure en plein Atlantique. J'y ai passé 2 jours et 2 nuits, dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, torturé le jour par la soif et par la chaleur du soleil, les membres raidis par le froid pendant la nuit. J'y serais mort sans pouvoir faire un mouvement si le courrier français de La Plata ne m'avait recueilli par hasard. On m'a ramené ici, on m'a soigné, et je serais remis depuis longtemps, je pense, si je n'étais dévoré d'un désir que tu comprendras sans peine et qui me consume comme une fièvre ardente, celui de revoir ma jeune Ondine. » Le docteur Patrice avait écouté avec surprise d'abord, ensuite avec inquiétude, l'étrange récit de l'aspirant. Que celui-ci, sous l'empire d'une hallucination causée par la fièvre, l'exposition aux rayons du soleil, la soif, l'inanition, eût rêvé toute son aventure, rien de plus naturel. Mais que l'hallucination persista, qu'il crut de bonne foi tout ce qu'il racontait, voilà qui était plus grave et qui pouvait même inspirer des craintes sérieuses sur son état mental. En le raillant doucement, puis en lui parlant très sérieusement, Patrice s'efforça de ramener son jeune ami à des idées plus rationnelles. Mais tout fut vain. René ne voulut pas démordre d'un seul point de son récit. Il avait vu la grotte, le vieillard, la jeune fille, et qui plus est, il les reverrait, il y était fermement résolu. Il mourrait à la peine s'il le fallait, mais il les retrouverait. Il entendrait de nouveau cette musique féerique, ce chant de sirène qui semblait lui avoir fait perdre l'esprit. Tous les raisonnements de Patrice ne firent que l'ancrer dans sa détermination. « Enfin, mon cher ami !» finit par s'écrier le docteur, véritablement en colère. « Permets-moi de te donner un conseil. C'est de taire soigneusement toute cette belle aventure, si tu ne souhaites qu'on t'envoie tout droit à Charenton. Comment veux-tu que des gens sains d'esprit ajoutent foi une minute à de pareils contes de fées ? Aussi n'ai-je aucunement l'intention de les confier à qui que ce soit, toi excepté !» s'écria René, non moins exaspéré. « Mais en attendant, puisque tu es si fort, tiens, fais-moi le plaisir de m'expliquer d'où me vient cette bague, si ce n'est pas l'Ondine qui me l'a donnée. »